بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 87 dans le livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah رحمه الله avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et on est arrivé à un endroit donc où le cheikh il continue sa critique et sa réfutation des gens de Wahdat al-Wujud, yani parmi les soufis, al-Ghulat, les extrémistes parmi les soufis. Et il mentionne donc une des paroles de l'un d'entre eux, et c'est, je crois bien que c'est Ibn Arabi. Lorsqu'il dit dans un de ses poèmes, wa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un 'alayhi nathruhu aw nidhamuhu wa ma'lumun anna hadha khilafu ma arsala Allahu bihi rusulah wa anzala bihi kutubah fa innal ma'siyata allati yastahiqqu sahibuha adh-dhamm والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله. Donc ici le cheikh il explique, il dit donc que parmi les propos de Ibn Arabi al-Dal al-Mulhid, il dit toute parole dans l'existence est sa parole. Donc il attribue la parole des créatures à Allah, et il dit peu importe que cette parole soit des textes, un texte ou un poème organisé. Et Cheikh Al-Fawzan il mentionne à ce sujet-là, il dit بلا شك مع أن الله فرق بين القدر والشرع سيأتي قوله عز وجل ألا له الخلق والأمر. يعني بين الخلق والأمر فرق, فهناك فرق بين المعصية والطاعة. Donc le Cheikh il explique, il dit qu'il n'y a pas de doute, comme on a dit, parce que Cheikh al-Islam il mentionne ce poème-là, puis après il dit on sait très bien qu'il y a que cette parole de Ibn Arabi est en contradiction avec ce que les messagers, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec ses messagers et ce qu'il a fait descendre dans ses livres. Et Cheikh al-Fawzan il dit il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait une distinction entre la prédestination et la révélation. Hein? Et il dit que on va voir bientôt aussi la parole d'Allah, le verset 54 dans Sourate Al-A'raf, Ala lahul khalq wal amr, n'est-ce pas à lui qu'appartient la création et le commandement. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il distingue ici entre la création et l'ordre, hein? Donc l'ordre, hein, c'est la révélation, puis la création c'est qu'est-ce que Allah a prédestiné. Et donc il y a une différence entre les deux, hein? Et il y a une différence aussi entre le péché et l'obéissance, hein? Il dit ensuite فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ الَّتِي يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهَا الذَّمُّ وَالْعِقَابُ مُخَالِفَةُ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il dit la désobéissance qui mérite pour celui qui la commet le blâme et le châtiment, eh bien c'est le fait de contredire le commandement d'Allah ainsi que de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc Cheikh Al-Fawzan il commence sur ce passage là, il dit al-ma'siyatu mukhalifatu al-amr ash-shar'i Allah amara bit-ta'a wa amara bil-ibada wa amara bi silati al-arham wa amara bi birr al-walidain wa hadha al-amr وهذا الأمر الشرعي أما القدر فهذا لا حجة فيه لأحد, هذا فعل الرب سبحانه وتعالى ونحن لا نخاصم الرب ونجادل الرب وإنما نجادل أنفسنا ونحاسب أنفسنا لماذا فعلت كذا ولماذا تركت كذا, فأنت لا تجعل نقاشك مع رب العالمين وإنما تجعل نقاشك ومحاسبتك مع نفسك لماذا فعلت كذا ولماذا تركت كذا وأنا أقدر على فعله وأنا أقدر على ترك كذا لماذا ضيعت وقتي وأنا مأمور بحفظه وهكذا وهكذا أنت حاسب نفسك واشتغل بمحاسبة نفسك ولا تشتغل بالقضاء والقدر ومحاسبة القضاء والقدر هذا شأن الله عز وجل. Donc le cheikh il explique que le péché et la désobéissance, c'est de contredire le commandement que Allah a révélé dans la révélation. Et il explique que yani Allah a ordonné l'obéissance, il a commandé l'obéissance. Il a ordonné par exemple l'adoration, il a ordonné en particulier par exemple le fait de garder les liens de parenté, le fait d'être bon envers nos parents. Il a ordonné ça dans la législation qu'il a révélée à ses messagers et à ses prophètes et dans les livres. Et ça, c'est l'ordre révélé. Hein? Tandis que la question du qadar et qu'est-ce qui a été prédestiné, eh bien, il n'y a aucun argument dans ça pour quiconque. Hein? Il n'y a aucune preuve dans ça qu'on peut utiliser pour justifier quoi que ce soit de ce qu'on fait. Hein, ou de ce qu'on ne fait pas. Hein, on peut pas utiliser comme excuse ou comme prétexte d'avoir commis un péché ou de ne pas avoir fait ce qui est ordonné par Allah par le qadar. On peut pas se baser sur le qadar pour justifier ça ou excuser ça. Et le cheikh il dit ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a prédestiné et c'est lui qui a créé et c'est lui qui a décréter tout ce qui se produit dans l'univers. Et il dit on ne doit pas donc débattre avec Allah ou opposer Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt nous devons débattre avec nous-mêmes et nous faire des comptes à nous-mêmes. Hein? On doit se poser la question, pourquoi j'ai fait ça? Hein? Lorsque tu as commis un péché, tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça? Ou bien lorsque tu as délaissé qu'est-ce qui est obligatoire, tu dis mais pourquoi j'ai abandonné ça ou pourquoi j'ai délaissé cette chose. Donc tu te fais des comptes à toi-même et non pas tu vas pas faire ta discussion ou bien ton débat ou ton argumentation avec Allah le Seigneur des mondes. Donc tu vas plutôt te faire des comptes à toi-même. Hein, et tu vas te demander des comptes à toi-même. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai fait ça alors que je suis capable de ne pas le faire? Hein, ou je suis capable de le laisser? Et pourquoi je n'ai pas fait ça alors que je suis capable de le faire? Pourquoi j'ai perdu mon temps alors que je suis ordonné de préserver et de garder mon temps? Donc tu dois te remettre en question et te poser des questions à toi-même et te faire des comptes à toi-même pour te juger toi-même et voir qu'est-ce que tu n'as pas fait alors que tu devais le faire et qu'est-ce que tu as fait alors que tu ne devais pas le faire. Et tu ne dois pas te préoccuper du décret de la prédestination et commencer à chercher des comptes dans le décret et dans la prédestination d'Allah, parce que ça c'est Allah qui décide dans ces choses-là et c'est Allah qui gère ces choses-là. Ensuite, le cheikh il dit wa kama qala ta'ala, le cheikh Ibn Taymiyyah, il cite un verset des versets dans le Coran. Il dit kama qala ta'ala tilka hududullah wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-'azim. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces deux versets dans sourate An-Nisa, voici les règles d'Allah ou les prescriptions d'Allah, hein, ses limites. Alors il dit, et quiconque obéit à Allah et à son messager, Allah le fera rentrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et dépasse ses limites, hein, dépasse ses restrictions et ses ordres et ses prescriptions, Allah le fera rentrer en enfer pour y demeurer éternellement et il aura un châtiment avilissant. Et ici le cheikh il explique, cheikh Al-Fawzan, il dit tilka hududullah, hududullah maharimuhu allati haddaha li'ibadihi fala tuta'adda, tilka hududullah fala ta'taduha ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون يعني المحرمات وأيضا حدود الله هي المباحات يعني حدود الله التي هي المحرمات لا تقرب يعني تلك حدود الله فلا تقربوها وأما المباحات فهي لا تتعدى يعني تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Donc le cheikh explique dans ce verset, il explique le verset, il dit que les limites d'Allah ce sont les choses qu'il a interdites pour ses serviteurs, hein, et il dit donc que on ne doit pas les transgresser, ces limites là parce que ce sont des limites que Allah a établies pour ses serviteurs. Et il dit dans le verset 229 dans Surat Al-Baqarah, voici les limites d'Allah, alors ne les transgressez pas, et quiconque transgresse les limites d'Allah, alors ceux-là sont les injustes, c'est-à-dire ceux qui transgressent les interdictions d'Allah. Et aussi les limites d'Allah ou les limites d'Allah ou les prescriptions d'Allah concernent aussi, ou ce sont aussi les choses que Allah a permises. Hein? Donc, il y a les limites d'Allah qui sont les interdictions qu'on ne doit pas approcher. Comme Allah il dit, tilka hududullahi fala taqrabuha. Donc, non seulement on ne doit pas les faire, hein, ou commettre ces interdictions-là, mais on ne doit même pas s'en approcher. Comme Allah il le dit dans le verset 187, dans le verset dans Surat Al-Baqarah 187, tandis que les choses que Allah nous a permises, eh bien il ne faut pas non plus les transgresser ou bien exagérer à leur sujet. Donc il dit ici tilka hududullah fala ta'taduha, hein, voici les limites d'Allah ou les restrictions d'Allah, alors ne les transgressez pas. Et quiconque dépasse ou transgresse les limites d'Allah, alors ceux-là sont les injustes. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit وَسَنَذْكُرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِرَادَةِ الْكَوْنِيَةِ وَالدِّينِيَةِ وَالْأَمْرِ الْكَوْنِي وَالدِّينِي. Et ça, c'est un des passages dans le livre de Cheikh ibn Taymiyyah ici, Al-Furqan, qui est un des passages les plus importants et les plus intéressants, puisque il nous montre la différence entre qu'est-ce qui est kauni et qu'est-ce qui est shar'i dans la volonté d'Allah. Et ça, c'est très très important. Donc on va lire ensemble inshallah. Le cheikh il dit donc nous allons mentionner la différence entre la volonté dans la création, hein, la volonté d'Allah dans la création, dans le décret et la prédestination, et l'autre volonté, c'est la volonté religieuse, la volonté qu'il a révélée dans ses livres par l'intermédiaire de ses messagers et qu'on connaît par la révélation. Et il y a aussi le commandement, hein, ou l'ordre kauni, et l'ordre qui est shar'i ou dini. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça aussi c'est très important. Et donc il y a plusieurs choses comme ça qui sont mentionnées dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel il y a une distinction entre qu'est-ce qui est kauni et qu'est-ce qui est shar'i. Et c'est pas seulement la volonté, hein, c'est pas seulement la volonté, il y a aussi l'ordre comme on l'a vu, et il y a d'autres aussi. On va voir des exemples aussi de ça dans les explications de Ibn Taymiyyah. Il va donner des exemples de chaque et avec des versets et des références pour illustrer puis clarifier ce point-là. C'est pas tout de suite là, c'est dans un bon nombre de cours que le cheikh il mentionne. Ibn Taymiyyah il dit: وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْإِرَادَةِ وَالْأَمْرِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِذْنِ وَالْتَحْرِيمِ وَالْبَعْثِ وَالْإِرْسَالِ وَالْكَلَامِ وَجَعْلِ بَيْنَ الْكَوْنِ الَّذِي وَالْجَعْلِ الَّذِي بَيْنَ الْكَوْنِ الَّذِي خَلَقَهُ وَقَدَّرَهُ وَقَضَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَأْمُرْ بِهِ وَلَا يُحِبُّهُ وَلَا يُثِيبُ أَصْحَابَهُ ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين الدين الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه. Donc c'est ce passage là et il va donner des exemples par la suite de chaque exemple, de chaque point de ce qu'il a mentionné, hein, par rapport à, par exemple, comme il l'a mentionné, al-irada, la volonté, al-amr, le commandement, al-qada, le décret, al-izn, la permission, al-tahrim, hein, l'interdiction, al-ba'th, hein, al-irsal, le fait d'envoyer, de susciter, la parole, et ainsi de suite. Tout ça, il y a un aspect dedans qui est kauni, relié à la création et la prédestination, et il y a un aspect qui est shari, hein, qui est révélé dans la révélation, qui est ordonné par Allah et qui est aimé d'Allah. Et celui qui ne fait pas la distinction entre ces deux-là, eh bien, il tombe dans, hein, dans l'erreur et dans l'égarement au sujet du qadar, hein. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, pour donner juste un exemple par rapport de ça, avant d'arriver à cet endroit-là dans le livre, on n'est pas arrivé là. Sauf que qu'est-ce que le cheikh explique maintenant, ça nous donne déjà une idée de ça. Et dans d'autres livres, dans d'autres cours, on a parlé de cette distinction entre la volonté d'Allah dans la création et dans la prédestination, et la différence de ça et de ce que Allah a révélé de sa volonté dans la charia et dans ce qu'il a fait connaître par l'intermédiaire de ses messagers. Donc c'est deux choses différentes. On appelle ces deux volontés là kauni, hein, ou bien al-irada al-kauniya et al-irada ad-diniya. D'accord? La volonté kauniya. Kauni, ça vient de al-kaun. Ça veut dire la création, hein. Et ad-diniya, c'est qu'est-ce qui est religieux, qui se réfère à ad-din, la religion. Et parfois vous allez entendre ou vous allez voir des traductions du terme kauni, certains le traduisent par universel, ils disent la volonté universelle, et ad-diniya, la volonté religieuse. Donc c'est une autre façon de le dire, mais moi j'ai remarqué que la traduction ou l'explication avec des termes plus simples, eh ben ça aide en général à comprendre plus facilement. Donc quand tu dis la volonté universelle, ça pour certains c'est un petit peu plus abstrait, c'est un petit peu moins clair, tandis que si tu expliques ou tu dis la volonté d'Allah dans sa création et dans ce qu'il a prédestiné, moi je trouve ça plus clair et plus simple. Et ad-diniya, la volonté d'Allah dans ce qu'il a révélé, hein, et dans sa religion, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il a ordonné à ses serviteurs de faire. Donc ça, c'est la religion la volonté qu'on appelle religieuse. Et donc il y a la volonté, il y a aussi l'ordre, hein, le commandement. Il y a le commandement qui est kauni, hein, c'est-à-dire ce que Allah a ordonné dans la création et dans la prédestination, et ce que Allah a ordonné dans la religion, hein, l'ordre religieux. Et ça, c'est deux choses différentes et il y a une grande différence entre les deux. La différence entre les deux, c'est que, juste pour résumer simplement et clairement, c'est que la volonté dans la création, ça peut être quelque chose que Allah aime, ça peut être quelque chose que Allah n'aime pas. Tandis que la volonté d'Allah dans la religion, eh bien, ça ne peut être que ce que Allah aime. C'est ça la différence. Et donc, tout ça pour clarifier que parfois on va mentionner dans le Coran, ou Allah il mentionne dans le Coran, qu'il a voulu telle chose, ou qu'il n'a pas voulu telle chose. Hein? Et si par exemple quelqu'un prend ce verset-là, hein, ou un de ces versets, eh bien, il doit distinguer. Est-ce que c'est l'ordre d'Allah dans la révélation par rapport à ce qu'il a ordonné dans la religion, ou est-ce que c'est dans la création qu'il a ordonné ces choses-là? Et la différence entre les deux est très importante, parce que si c'est dans la création, si c'est la volonté dans la création, ça veut dire que c'est un ordre qu'il a établi dans ce qu'il a créé. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'il aime nécessairement. Peut-être que c'est quelque chose qui est interdit dans le Coran ou qui est interdit dans la Sunna. Mais Allah l'a ordonné ou il l'a créé dans le but d'éprouver et de tester les hommes. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que parfois, comme on voit, il crée des choses ou il permet des choses, et ça ne fait pas partie des choses qu'il a ordonnées ou qu'il a permis dans son livre. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont parfois interdite. Et pour donner des exemples de ça, par exemple, il a permis que le shirk existe, il a permis que le kufr existe, il a permis que Iblis existe, il a permis que les péchés existent et la désobéissance, il a permis que ça existe, hein? Il a permis des choses qui sont déplaisantes pour l'homme, hein, qu'elle existe. Et les choses qu'il a permises, toutes ces choses qu'on a mentionnées, le kouf, le shirk, les péchés, la désobéissance, les bid'ah, le shaytan, tout ça c'est des choses que Allah déteste, tout ça c'est des choses que Allah n'aime pas. Et les péchés, c'est des choses que Allah a interdit, de même que le kouf et le shirk, c'est des choses parmi les plus graves, hein. Et même que le shirk, c'est le plus grave de tous les péchés. Hein? De même que le kufr. Na'am. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné l'existence de ces choses-là. Il les a voulues, hein? D'une volonté dans sa création. Il a voulu qu'elles existent. Il leur a permis d'exister. Mais il a fait ça pour une sagesse, hein. En même temps, il a envoyé des messagers, il leur a révélé des livres pour leur mentionner, hein, que le kouf et le shirk et les péchés et les bid'ah, hein, et tout ça c'est haram, tout ça c'est interdit, et qu'ils n'agréent pas ça et ils n'aiment pas ça de la part de ses serviteurs. Donc il a permis que ces choses existent, mais il leur a interdit de le faire. Hein, et non seulement ça, il leur a envoyé des livres et des messagers pour clarifier ça, et en même temps, il a établi des menaces, hein, et des promesses pour ceux qui, par exemple, commettent ces péchés-là. Il y a la menace de l'enfer, hein, et les châtiments et les punitions qui ont été établies pour punir ceux qui font ces choses-là, et la récompense du paradis pour ceux qui croient et qui rejette le shirk et qui s'éloigne des innovations et suivent les messagers, et pour ceux qui font ce que Allah ordonne, la récompense du paradis. Donc ça c'est la preuve que la volonté par rapport au serviteur, la volonté d'Allah dont il doit tenir compte et qu'il doit respecter et qu'il doit suivre, c'est la volonté d'Allah dans ce qu'il a révélé dans sa révélation et qu'il a envoyé, fait connaître par l'intermédiaire des messagers. C'est ça qu'il doit respecter. Tandis que ce que Allah a créé ou prédestiné dans la création, hein, s'il a des choses qu'il a créées et que ce sont des choses que Allah a interdites par ses messagers, par l'intermédiaire des messagers, eh bien ça, il faut s'en écarter. Et quelqu'un ne peut pas utiliser comme prétexte pour les faire le fait que Allah les a créés ou qu'il les ait prédestinés. Et c'est ça que les soufis, parfois, n'ont pas compris. Beaucoup d'entre eux sont déviés dans cette question-là parce qu'ils utilisent l'excuse ou l'argument du qadar pour essayer de justifier le fait de faire des péchés ou de contredire l'ordre d'Allah ou de faire des innovations. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que si Allah l'a ordonné, ou bien si Allah l'a ordonné dans la création, ou si Allah l'a prédestiné, hein, ou si Allah a permis à cette chose-là d'être, ça veut dire que pour eux, ça c'est la preuve que c'est permis, ou que c'est ordonné, ou que c'est quelque chose de bien. Et ça c'est tout à fait incorrect. Hein, c'est une erreur dans la compréhension, et c'est une erreur dans la connaissance aussi. Donc, le fait que Allah ait permis que, par exemple, la cigarette existe, ça ne veut pas dire que la cigarette est halal. Le fait que Allah ait permis que, par exemple, le porc existe, ça ne veut pas dire que le porc est halal. Hein? Allah, il a créé le porc, mais il l'a interdit, hein, dans la révélation. Et ça, c'est un bon exemple, hein, de la différence entre la volonté dans la création et la volonté dans la religion. La volonté d'Allah dans la création, il a voulu que le porc existe. Mais la volonté dans la religion, c'est qu'il a interdit le porc pour les croyants. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit respecter ? C'est la révélation et la religion. Tandis que qu'est-ce que Allah a voulu dans sa création, ça, c'est pas une preuve. Parce que Allah peut créer ce qu'il n'aime pas dans le but de mettre les serviteurs à l'épreuve et de les tester. Pour une grande sagesse. Peut-être que certains vont comprendre cette sagesse, peut-être que d'autres ne vont pas la comprendre, mais qu'on l'ait comprise cette sagesse ou non, on doit, hein, se soumettre à l'ordre d'Allah dans la révélation. C'est ça en fait le point. Donc j'essaie de le simplifier et de le dire d'une façon avec des illustrations et des exemples, et je pense que l'exemple du porc, ça clarifie bien l'affaire. Ensuite, le cheikh, il dit, donc cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là, il dit, Al-iradatu iradatan. Iradatun kawniyatun, wa hiya allati yakhluqullahu biha al-ashya, wa yujidu biha al-ashya. Wa hadhihi la budda min wuku'iha. Amma al-iradatu al-shar'iyya, فهي الأمر والنهي والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا هذه إرادة شرعية وهذه الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة فقد يريد الله شيئا وهو لا يحبه ولكن لحكمة وللابتلاء وللامتحان وأما الشرعية فإنه يحبها وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فالإرادة الشرعية يحبها الله أما الإرادة الكونية فقد يحبها وقد لا يحبها وهذا فرق الفرق الثاني الإرادة الكونية لا بد من وقوعها أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع فالله أراد من عباده الإيمان فبعضهم يؤمن وبعضهم لا يؤمن أراد منهم الإيمان الإرادة الشرعية ولكن بعضهم يؤمن وبعضهم لا يؤمن قد تقع وقد لا تقع بخلاف الكونية لا بد من وقوعها Donc le cheikh il explique que la volonté elle est de deux catégories. La volonté dans la création, c'est-à-dire ce que Allah, ce par quoi, la volonté par laquelle Allah crée les choses et fait en sorte que les choses existent. Et cette volonté-là, elle doit absolument se produire. C'est-à-dire ce que Allah veut dans la création et ce qu'il veut créer, eh bien, ça doit se produire et ça ne peut pas ne pas se produire. Et comment tu fais pour savoir, hein, si quelque chose Allah l'a voulu dans la création? C'est, t'as juste à regarder si cette chose-là existe ou si cette chose-là s'est produite. Donc si elle s'est produite et si elle existe, ça veut dire qu'Allah l'a voulu dans la création, il n'y a pas de doute, hein, parce qu'il n'y a rien dans ce qui se produit qui sort de la volonté d'Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut se produire sans que ce soit par la volonté d'Allah. Hein? Ça c'est important de le comprendre. Et il dit donc que en ce qui concerne la volonté d'Allah dans la religion et dans la législation révélée, eh bien ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec ce qui est halal et ce qui est haram, ce qui est ordonné, ce qui est interdit, ce qui est wajib et ce qui est mustahab et ce qui est interdit et ainsi de suite. Ça c'est un rapport avec la révélation et ce qu'il a ordonné dans la religion. Et il donne un exemple par rapport à ça dans le verset 27 et 28 dans sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا هذه إرادة شرعية وهذه إرادة الكونية ليس من لازمها المحبة فقد يريد الله شيئا وهو لا يحبه. Donc le cheikh il explique en citant ce verset 27 et 28 l'exemple des exemples de la volonté d'Allah dans la création et des exemples de la volonté d'Allah dans la religion. Donc dans le verset, dans sourate An-Nisa 27 et 28, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: Allah veut accueillir votre repentir. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que vous vous repentiez. Mais est-ce que c'est tout le monde qui se repente? Non, il y en a qui se repentent, il y en a qui ne se repentent pas. Donc ça veut dire que c'est l'ordre d'Allah dans la religion. Hein? Ce qu'il aime, il aime la repentance. Il dit: mais ceux qui veulent la passion veulent vous inciter grandement vers l'erreur comme ils le font. Et il dit dans le verset 28: Allah veut alléger les obligations car l'homme a été créé faible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans sa religion il veut alléger, hein, les choses pour vous. Il veut que la religion soit simple et facile. Donc il a fait en sorte que les règles de la religion soient allégées et faciles pour les croyants, parce que l'homme est créé faible. Donc il y a, le cheikh dit, la volonté dans la religion qui est connue par la révélation et qui peut se produire ou ne pas se produire, mais qui fait partie de ce que Allah aime. Par exemple, Allah veut qu'on fasse la salat et Allah veut qu'on soit croyant. Hein? Mais est-ce que on fait tous la salat? Non, il y en a qui font la salat, il y en a qui la font pas. Allah veut qu'on soit croyant, mais est-ce que tous les hommes sont croyants? Non, il y en a qui sont croyants, il y en a qui sont kuffars, il y en a qui sont des mushrikins. Donc ça c'est la volonté d'Allah dans la religion, dans qu'est-ce qu'il a révélé. On la connaît par ça, cette volonté-là on la connaît par la révélation. On la connaît par l'intermédiaire des prophètes et des messagers. Hein? Et elle peut se produire comme elle peut ne pas se produire aussi. Hein? Et il dit, yani la volonté dans la création, eh bien cette volonté-là, ça ne veut pas dire nécessairement que Allah l'aime. C'est-à-dire que Allah peut vouloir que quelque chose existe, hein, et il peut créer quelque chose, et il peut prédestiner quelque chose, permettre à quelque chose d'exister. Mais ça ne veut pas, ça n'implique pas nécessairement que Allah aime cette chose-là. Peut-être que Allah veut une chose et qu'il ne l'aime pas. Alors dans ce cas-là, on pourrait poser la question, pourquoi dans ce cas-là, si Allah ne l'aime pas, pourquoi l'a-t-il voulu? Eh bien, il l'a voulu pour une sagesse, il l'a voulu pour tester et éprouver les serviteurs, hein, et pour voir ceux d'entre eux qui sont sincères et ceux d'entre eux qui ne le sont pas. Tandis que dans la volonté religieuse, hein, eh bien, il n'y a que ce que Allah aime. Il n'y a pas dans la religion de choses que Allah, hein, veut et qu'il n'aime pas dans la religion. Tout ce que Allah veut dans la religion, il l'aime. Et il dit, par exemple, le verset 7 dans Sourate Az-Zumar, in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum. C'est-à-dire, si vous reniez la foi et vous devenez kuffar, Allah peut se passer complètement de vous. Il n'a aucun besoin de quoi que ce soit, il se suffit à lui-même. Donc il n'a aucun besoin de vous, hein. Toutefois, il n'agrée pas, hein, de son serviteur la mécréance. La yarda li'ibadihi al-kufr. Il n'est pas satisfait, hein, que son serviteur soit dans le kufr. Wa in tashkuru yardahu lakum. Et si vous êtes reconnaissant, il agrée cela de votre part, hein. Il agrée cela pour vous. Donc ça, c'est la preuve que dans la religion, hein, tout ce que Allah a voulu, il l'aime. Tandis que la volonté d'Allah dans la création, c'est possible que ce soit quelque chose que Allah aime, comme c'est possible que ce soit quelque chose que Allah n'aime pas. Donc il y a une différence. Et il dit la deuxième différence aussi, c'est que la volonté d'Allah dans la création, elle doit absolument se produire. Si Allah a voulu qu'une chose existe, eh bien, elle existe. Et tandis que la volonté d'Allah dans la religion, c'est possible que cette chose se produise, comme c'est possible qu'elle ne se produise pas, hein. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala veut que les kuffars se repentent, que les kuffars, il veut qu'ils acceptent la foi et qu'ils rentrent dans l'islam. Mais est-ce qu'ils vont tous rentrer dans l'islam? Hein? Peut-être qu'ils vont entrer dans l'islam, peut-être qu'ils vont pas rentrer. Peut-être qu'ils vont être croyants, peut-être qu'ils ne vont pas l'être. Tout ça, c'est la volonté d'Allah dans sa religion, hein, et dans la révélation. Et donc, ça veut dire que la volonté d'Allah dans sa révélation, elle peut se produire comme elle peut ne pas se produire. Donc le cheikh, il donne l'exemple, il dit Allah veut que ses croyants soient Allah veut que ses créatures acceptent la foi, hein, et certains par contre sont croyants, d'autres ne le sont pas, et Allah veut la foi dans la volonté de la révélation, mais pourtant il y en a qui sont croyants, il y en a qui sont pas croyants. Donc ça peut se produire comme ça peut ne pas se produire, contrairement à la volonté d'Allah dans la création. Eh bien, ça doit absolument se produire, hein. Et donc il y a des cas dans lesquels la volonté d'Allah dans la religion et dans la création se rejoignent, comme par exemple lorsque quelqu'un accepte l'islam, hein, et qu'il devient un bon musulman. Eh bien, ça, c'est la preuve que Allah a voulu, dans la création et dans la religion, que cette personne-là soit croyant. Il veut dans la religion, on le sait déjà, il veut que les hommes soient des croyants. Ça, on le sait par la révélation, il veut que les hommes acceptent la foi. Toutefois, si la personne accepte réellement et concrètement la foi dans la réalité et dans la vie, ça veut dire que Allah l'a voulu aussi dans la création. Hein? Il a fait en sorte que ça se produise. Et tout ce qui se produit dans la création, eh bien, c'est par sa sagesse, hein, et par sa connaissance. Donc, ensuite, le cheikh, il explique, il dit, وَكَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ اشْتَبَهَتْ عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ الصُّوفِيَّةِ فَبَيَّنَهَا الْجُنَيْدِ رَحِمَهُ اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَ الْجُنَيْدِ فِيهَا كَانَ عَلَى السَّدَادِ وَمَنْ خَالَفَهُ ضَلَّهُ لأنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وفي شهود هذا التوحيد وهذا يسمونه الجمع الأول فبين لهم الجنيد أنه لا بد من شهود الفرق الثاني وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه. Donc ça c'est un passage intéressant aussi. Le cheikh il explique que il y a un groupe d'entre les soufis qui ont dévié dans cette question là et pour lesquels cette question a été ambiguë. Ils ont été confondus dans ce sujet-là, et ils ont commis donc des erreurs et des égarements à cause de ça. Alors, il dit que un parmi les soufis, les premiers, ceux qui étaient parmi les premiers soufis, qui étaient encore sur, disons, par rapport à ceux qui sont venus par la suite, étaient encore dans les limites de ce qui est en accord avec l'islam, eh bien, il s'appelle par exemple Al-Junayd. Un d'entre eux, il s'appelait Al-Junayd. Et lui, il a clarifié, hein, il a clarifié que il y a des règles à respecter par rapport à la compréhension de la volonté d'Allah, hein, et qu'il faut distinguer entre l'ordre et la création, entre le qadar et la sharia, hein? Et il mentionne donc que Al-Junayd a fait cette distinction là parce que eux ils ont parlé en disant que tout ce qui arrive est par la volonté d'Allah et par sa prédestination, et ça il n'y a pas de doute que c'est vrai, dans le sens que de façon générale tout ce qui se produit dans la création ne peut se produire que par la volonté d'Allah, parce que Allah l'a voulu. Mais ça ne veut pas dire que parce que Allah a voulu une chose et parce que Allah a permis qu'une chose soit, qu'il aime nécessairement cette chose-là. Hein? La seule façon pour nous de distinguer entre ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas dans ce qui se produit dans la création, c'est de se référer à la révélation pour savoir si Allah l'aime ou non. Et si on trouve dans la révélation que ce que Allah a créé est aimé, alors dans ce cas-là, on va dire que Allah aime cette chose. Et si on trouve dans la révélation que Allah n'aime pas une chose, alors hein, on va dire que dans ce cas-là, ce que Allah a créé, hein, ce que Allah a prédestiné, hein, ça c'est une chose qu'il n'aime pas. Parce que on l'a trouvé dans la révélation. Donc, Al-Junayd leur a expliqué ça. Hein? Il dit que ceux qui ont suivi Al-Junayd, ils étaient sur la droiture sur ce plan-là, et il a contredit. Hein? Ils ont contredit. Ceux qui ont suivi Junayd ont contredit ceux qui ont dévié sur ces propos-là. Hein, parce que eux, ils ont parlé au sujet des affaires en disant qu'elles sont toutes voulues, hein, par Allah, et qu'elles sont toutes selon sa puissance et sa volonté. Et ils appellent ça le fait d'être témoin du tawhid. Et ils appellent ça le premier rassemblement ou le premier regroupement. Et Al-Junayd leur a fait comprendre qu'il faut également être témoin de la deuxième différence, c'est-à-dire que même si on dit que toutes les choses sont reliées dans le fait que Allah les a voulues et que c'est lui qui les a prédestinées et qu'elles se produisent par le fait que c'est lui qui les a créés, prédestinés, et il les a créés par sa puissance, mais il faut aussi distinguer entre l'ordre de ces choses-là et ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Et la différence également entre ce qu'il a interdit et ce qu'il déteste et ce qui le met en colère. Et donc ici le cheikh explique, cheikh Al-Fawzan, ce point-là, et il dit que Al-Junayd kama sabaq min as-salihin wa min al-ubbad wa az-zuhad lam yahsul minhu shatahat mithl ma hasala min as-sufiyyah al-mutaakhirin. Donc il dit que Al-Junayd faisait partie des pieux, faisait partie des adorateurs et de ceux qui se détachaient des plaisirs ou des biens de la dunya. Tu sais, il s'attachait pas à la vie d'ici-bas de façon excessive. Et il dit qu'il n'avait pas, par contre, des égarements et des erreurs et des hérésies et des superstitions dans lesquelles les autres soufis qui sont venus après lui sont tombés. Ensuite, il dit, يقولون لا يوجد إلا مشيئة الله وقدرة الله والذي يعرف هذا هو الموحد ويجحدون الإرادة الكونية والأوامر الشرعية فهم يفسرون الطاعة بأنها موافقة القدر لأن أهل العلم وأهل الإيمان يقولون الطاعة موافقة الأمر والشرع وليست موافقة القدر وموافقة القدر قد تكون طاعة وقد تكون معصية بخلاف موافقة الشرع فإنه لا يكون إلا طاعة لله عز وجل فهناك فرق بين الشرع وبين القدر ولهذا يقول قائلهم إن عصيت أمره فقد وافقت قدره فأنا مطيع له. Donc ici le cheikh il explique, il dit que eux les soufis qui ont dévié dans cette question, ils disent qu'il n'existe que la volonté d'Allah et sa toute puissance. Et ils disent, celui qui reconnaît cela, c'est lui qui est sur le tawhid, et ceux qui nient cela, ben, ils sont pas sur le tawhid. Sauf que eux, ils rejettent et ils renient la distinction entre la volonté d'Allah dans la création et dans ce qu'il a prédestiné et les ordres de la religion. Et ils interprètent l'obéissance comme étant le fait d'être en accord avec le qadar. Parce que les hommes de science et les gens de la foi disent l'obéissance c'est d'être en accord avec l'ordre et avec la charia et avec la révélation, c'est-à-dire c'est d'être en accord avec l'ordre d'Allah et qu'est-ce qu'il a légiféré, c'est pas d'être en accord avec le qadar sans tenir compte de la charia. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux pas te baser sur qu'est-ce qui se produit pour déterminer si quelque chose est halal ou haram, ou si quelque chose est aimé d'Allah ou détesté d'Allah. Tu dois retourner à la révélation pour distinguer entre ces choses-là. Donc eux, ils pensent que si tu es en accord avec le qadar, c'est-à-dire tu suis tes passions, tu fais ce que tu veux, ils disent bon, de toute façon tu as fait des péchés, c'est pas grave, ça fait partie de ce que Allah a prédestiné, donc même si tu as fait des péchés, t'es quand même en train de respecter l'ordre d'Allah, parce que ça c'est l'ordre d'Allah dans la création, donc pour eux le péché ça n'existe pas en réalité puisque tu es toujours dans le qadar. Et ça, c'est une mauvaise compréhension. Parce que d'être obéissant à Allah, c'est de respecter sa révélation et sa législation divine. Qu'est-ce qu'il a révélé? Donc, il explique le cheikh ici, il dit, d'être en accord avec le qadar, d'être en accord avec la création et la prédestination, ça peut être une obéissance si ça reste, si c'est en accord avec qu'est-ce que Allah a révélé, mais si ça contredit ce que Allah a révélé, dans ce cas-là, ça va être un péché, ça va pas être une obéissance. Contrairement le fait d'être en accord avec la révélation, hein, tout ce que tu fais qui est en accord avec la révélation, ça va être toujours une obéissance, parce que Allah n'ordonne que ce qu'il aime, hein, et donc dans ce cas-là, il n'y a rien dans la révélation excepté ce qui est une obéissance à Allah. Donc il y a une différence entre la révélation et le qadar. Et c'est pour ça que eux, ils disent, comme je disais tout à l'heure, ces soufis-là, et ces soufis qui ont dévié, ils disent, Yanni, si tu as fait un péché et que tu as contredit, hein, l'ordre d'Allah, eh bien tu es en accord avec son qadar et sa prédestination, donc tu es obéissant. Mais non, ça c'est totalement faux, et c'est la preuve que ces gens-là, ils n'ont pas compris. Donc il dit ici le cheikh que Junaid, il les a réfutés là-dessus, et il leur a fait comprendre que non, il est obligatoire de distinguer entre l'ordre et ce que Allah aime et agrée, et l'interdiction et ce que Allah déteste et ce qui amène son courroux et sa colère. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il commente là-dessus, il dit فَمَا كُلُّ مَا أَرَادَهُ اللَّهُ وَقَدَّرَهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّهُ وَهُوَ قَدَّرَ الْكُفُرُ وَقَدَّرَ الْإِيمَانُ قَدَّرَ الطَّاعَةُ وَقَدَّرَ الْمَعْصِيَةُ فَهُوَ يُحِبُّ هَذَا وَيُبْغِضُ هَذَا بِخِلَافِ الشَّرْعِ فَإِنَّهُ لَا يشرع إلا ما يحبه ولا يشرع ما يبغضه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ولما قالوا وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فيزعمون أن الله أمرهم بكشف العورات في الطواف والله أمرنا بها الله عز وجل رد عليهم فقال عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط بالعدل بالطاعة هذا الذي أمر الله به عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء هذا رد عليهم لقولهم والله أمرنا بها يعني شرعها لنا فالله رد عليهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أخلصوا لله في كل صلاة في كل عمل. Donc le cheikh il explique, il dit il est obligatoire donc de distinguer entre les deux, entre le qadar et la révélation. Et il dit le cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il dit c'est pas tout ce que Allah a voulu et prédestiné que Allah aime. Il dit parce que il a prédestiné le kufr, il a prédestiné la foi, il a prédestiné l'obéissance, il a prédestiné le péché. Et il aime, il aime la foi et l'obéissance, mais il n'aime pas le kufr et le péché. Ça c'est pour le qadar, tandis que pour la révélation et la religion, eh bien tout ce qu'il a ordonné dans la révélation, c'est ce qu'il aime. Et il ne légifère et il ne révèle et il n'ordonne dans la révélation que ce qu'il aime. Il n'ordonne pas dans la religion ce qu'il n'aime pas. Et l'exemple de ça, c'est la réfutation d'Allah. Dans le Coran, lorsqu'il réfute les mushrikines qui ont prétendu que Allah leur avait ordonné de faire le tawaf nu autour de la Kaaba. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le verset 28 dans sourate Al-A'raf. Il dit Allah n'ordonne pas la turpitude. Et ça, c'est par rapport au verset, lorsque ils ont dit, c'est-à-dire lorsque les mouchriquins ont dit, Allah il dit dans le verset, et lorsqu'ils font une turpitude, c'est-à-dire un péché qui est très laid, comme le fait de marcher nu, hein, un peu comme les naturistes aujourd'hui ou les nudistes, hein, eh bien, ils disent, c'est Allah qui a ordonné ça, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala les cite dans le verset. Lorsqu'ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsqu'ils font une turpitude, ils disent, nous avons trouvé nos ancêtres qui faisaient ça, et Allah nous l'a ordonné. Donc ils prétendent que c'est Allah qui leur a ordonné de montrer ou de dévoiler leur partie intime pendant le tawaf. Et Allah subhanahu wa ta'ala les réfute à ce sujet-là quand ils disent Wallahu amarana biha. Ils disent c'est Allah qui nous a ordonné de faire ça. Et Allah les réfute et il leur dit قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il répond dans le verset 29 ou dans le verset 28 et 29, dit certes Allah n'ordonne pas la turpitude. Allez-vous dire à propos d'Allah ce dont vous n'avez aucune connaissance? Dis plutôt au Muhammad, à ses mouchriquins, mon Seigneur a ordonné la justice. Hein? Mon Seigneur a ordonné la justice par l'obéissance. Et ça, c'est ce que Allah a ordonné, et non pas la turpitude. Il a dit, dis au Muhammad, certes, mon Seigneur n'a pas ordonné la turpitude. Et ça, c'est une réfutation de leurs paroles lorsqu'ils disent, c'est Allah qui nous l'a ordonné. Hein? C'est-à-dire, ils prétendent que Allah leur a légiféré de faire ça. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala les réfute en disant, dis au Muhammad à ces gens-là, certes, mon Seigneur n'ordonne pas la turpitude. Allez-vous dire à propos d'Allah ce dont vous n'avez aucune connaissance? Dis au Muhammad, mon Seigneur a ordonné la justice et d'établir vos visages dans toutes les mosquées, c'est-à-dire de purifier pour Allah, hein, votre religion, hein, et d'être sincère envers Allah dans toutes vos prières et dans toutes vos œuvres. Donc ça, c'est l'explication par rapport à ça. Donc il y a une différence entre l'ordre et la prédestination, hein? Et Allah n'ordonne pas qu'est-ce qui est interdit, n'ordonne pas qu'est-ce qui est mauvais, au contraire, tout ce qui est contraire à qu'est-ce qui est bien, Allah l'interdit. Il dit ensuite Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit wa yufarriqu bayna awliya'ihi وأعدائه كما قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Donc ici le cheikh il mentionne que non seulement Allah subhanahu wa ta'ala il a distingué entre ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ce qu'il agrée et ce qu'il déteste, mais il a également distingué entre ses serviteurs et ses ennemis. Et il mentionne des versets à ce sujet-là, comme les versets 35 et 36 dans Al-Qalam, hein, dans Surat Al-Qalam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala justement il mentionne, il dit أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Hein, les versets 35 et 36 dans Surat Al-Qalam. Traiterons-nous les musulmans comme des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Hein? Et les versets également, le verset 27, non, le verset 28 le verset 28 dans Sourate Sad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. C'est-à-dire, allons-nous traiter ceux qui croient et qui font les bonnes œuvres comme ceux qui font le désordre sur la terre, ou allons-nous traiter les pieux comme les pervers? Donc c'est pour dire que il y a une différence entre les gens du bien et les gens du mal, entre les croyants et les mécréants, entre ceux qui font le bien et ceux qui font le mal, entre les mouchriquines et les gens du tawhid. Il y a une différence entre les deux. Malgré que les koufars aujourd'hui, ils veulent mettre tout le monde à égalité. Quand ils disent tout le monde est égal, eh ben, non seulement ils veulent dire par là, ou ils prétendent par là que tout le monde est égal, dans la création et dans la réalité, dans les droits, comme ils disent, dans les droits et les obligations ou les devoirs. Et ça, c'est faux de toute façon, parce que on n'est pas tous égaux. Il y a des différences entre nous. On est tous égaux dans le sens qu'on est tous des êtres humains, on est tous pareils, en tant que, dans le sens, quand je dis qu'on est tous pareils, en même temps aussi, c'est pas vrai, parce qu'on n'est pas tous pareils. Mais dans le sens que, on est tous des fils d'Adam. Dans ce sens-là, oui, on est égaux, dans le sens qu'on est tous des fils d'Adam. Mais on n'est pas tous égaux, dans le sens qu'on est différents les uns des autres. Et on n'est pas tous, on n'a pas tous la même valeur non plus pour Allah. Parce que Allah, pour Allah, les croyants, et les mécréants n'ont pas la même valeur. Pour Allah, les gens qui font le bien, qui font la justice, ne sont pas équivalents à ceux qui font de l'injustice et qui font du mal et qui rejettent la vérité et qui sont injustes. Donc il y a une différence entre les hommes, sur ce plan-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets, on ne va pas traiter les croyants qui font des bonnes œuvres, de la même manière que ceux qui font le désordre sur la terre et qui font du kufr et du shirk. On ne va pas traiter les pieux, ceux qui se préservent d'Allah, et de son châtiment, de la même manière que ceux qui désobéissent et qui opposent ouvertement la vérité. Et dans le verset 21 dans Sourate Al-Jathiyah, أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, est-ce que ceux qui font des péchés pensent que nous allons les traiter de la même manière que ceux qui croient et qui font des bonnes œuvres, à égalité dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal, comme ils jugent mal? C'est pas possible que Allah subhanahu wa ta'ala traite les croyants ou agissent avec les croyants qui font des bonnes œuvres de la même manière que ceux qui commettent les péchés et qui renient la foi dans leur vie et dans leur mort à égalité. C'est pas possible. C'est parce que ça serait de l'injustice. Ce serait de l'injustice de faire ça. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que le bien et le mal est égal. Ça voudrait dire que la vérité et le faux est égal. Et ça, c'est ce que les koufars, eux, croient. Pour beaucoup d'entre les koufars, la vérité et le faux est à égalité. Et pour eux, c'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire, il n'y a pas plus de mérite à être bon qu'à être mauvais. Il n'y a pas plus de mérite qu'à être pour la vérité que pour le faux. Et ça, c'est malheureux parce que c'est comme si en réalité on poussait les gens vers l'égarement et vers le mal. Donc à une certaine limite ils savent ça, mais quand c'est dans les questions plus fondamentales, dans les réalités, et là on voit qu'ils s'éloignent de ça, ils s'éloignent de la réalité, ils refusent d'accepter ça. Et le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique ces trois versets-là. Et il dit: « Hum yaquluna la farqa bayna al-muti'i wal-'asi wa kulluhum ata'u Allah » أطاعوا قدره ومشيئته وكلهم مطيعون وهذا كذب وهذا كذب على الله الله قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Donc il dit que les soufis, ils ne distinguent pas entre l'obéissant et le pécheur, et ils disent qu'ils ont tous obéi à Allah parce qu'ils ont obéi à sa prédestination et à sa volonté, et qu'ils sont donc par conséquent tous obéissants. Et ça, c'est un mensonge contre Allah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit: allons-nous placer ou traiter les musulmans comme les criminels? Comme qu'avez-vous, comment jugez-vous? Et l'autre verset: allons-nous traiter ceux qui ont cru et qui font des bonnes œuvres comme les gens qui sèment le désordre sur la terre, ou allons-nous traiter les pieux, al-muttaqoun, ceux qui ont taqwa, de la même manière que al-fujjar, les pécheurs, les pervers? Et donc ça, c'est une question qui implique une réprimande et un blâme de celui qui penserait cela, car Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais les traiter de façon égale et les mettre à égalité. Ça c'est de l'injustice, et Allah n'est pas injuste. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran: inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Allah ne fait même pas un poids d'une atome d'injustice. Donc il ne va même pas faire un poids d'une atome d'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également par rapport à l'autre verset: est-ce que ceux qui font des péchés s'imagine qu'on va les traiter de la même manière que ceux qui font des bonnes œuvres, et qu'on va les mettre à égalité dans cette vie et dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal? Il y a beaucoup de gens comme ça, malheureusement, qui ont la même idée que les soufis à aujourd'hui. Ils pensent que tout le monde est pareil, tout le monde est bon, tout le monde va avoir le même traitement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Cheikh, il dit: فَاللَّهُ لَا يَجْعَلُ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ مِثْلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَدَلَّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَدَرِ وَبَيْنَ الشَّرْعِ. Donc il dit: Allah Azza wa Jal, il ne va pas placer ou traiter ceux qui font des péchés de la même manière que ceux qui ont cru et qui font des bonnes œuvres. Et ça, c'est la preuve qu'il y a une distinction entre la prédestination et la révélation, la législation divine qu'on connaît par la révélation. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera d'autres exemples et d'autres clarifications par la suite dans les autres paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. On s'arrête ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.